À l'occasion de chaque catastrophe aérienne, on l'a encore constaté récemment, les mêmes questions reviennent et d'abord celle-ci, s'agit-il d'un attentat? Si la preuve d'une action criminelle a pu être démontrée, par exemple dans le crash du DC-10 du TA au-dessus du désert du Ténéré ou encore celui du Boeing 747 de la Paname sur le village écossais de Lockerbie, bien souvent l'incertitude demeure. L'incertitude et les polémiques, dès que l'on évoque l'erreur humaine ou la défaillance des matériels. Ici même, avec M. X, nous avons déjà ouvert plusieurs dossiers de catastrophes aériennes suspectes, le dernier étant celui du Boeing Cargo d'El Al sur une banlieue d'Amsterdam. Mais depuis longtemps, je voulais interroger mon interlocuteur sur le crash qui a coûté la vie à l'un des généraux français les plus prestigieux, Leclerc. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, en 1947, de nombreuses rumeurs ont couru. Le général, il ne sera élevé à la dignité de maréchal qu'à titre posthume, gênait en effet beaucoup de monde. J'ajoute que sa mort survenait à un moment où la France traversait une grave crise politique et sociale et qu'il était tentant de voir un rapport entre ses difficultés et la disparition du général. Toutefois, la thèse de l'attentat n'a pas été officiellement admise. L'histoire retient seulement que le créateur de la 2e DB, inspecteur des forces françaises en Afrique du Nord, a trouvé la mort au cours d'un accident d'avion alors qu'il se rendait en mission à Colombéchard, au Sahara. La cause de la catastrophe, la météo, qui ce jour-là était exécrable au-dessus du désert. Mais cette explication ne résout pas tous les mystères qui entourent ce crash, et celui-ci en particulier. Pourquoi y avait-il un passager supplémentaire dans l'avion, un homme qui ne sera jamais identifié? Monsieur X a son idée à ce sujet. Mais avant de l'entendre, quelques mots sur ce prestigieux général dont le nom de guerre était Leclerc, mais qui était né Philippe de Hauteclocque. J'emprunte ces quelques lignes à Alain Decaux. On trouve trace en 1163 d'un Wilbert de Hauteclocque, chevalier du comte de Saint-Paul. Deux Hauteclocques accompagnent Saint-Louis en Tunisie. On rencontre des Hauteclocques à la bataille de l'Écluse, à Fontenoy et à Wagram. Tous, ils sont soldats et fiers de leur devise, on entend loin Hauteclocque. De presque tous, on répète qu'ils ont mauvais caractère. Un jour à Saint-Cyr, Philippe, notre héros, irrité contre un camarade de bonne noblesse, lui lancera comme une injure, vous autres, gentilhomme de cour. Les Hauteclocques ne furent jamais à la cour, toujours à la guerre. Et de quoi d'ajouter, le jeune Hauteclocque a hérité le mauvais caractère de sa lignée, ceux qui l'ont connu et en ont témoigné, Leclerc n'a jamais su se dominer. Un rien l'irrite et aussitôt la colère déferle, violente, sans limite, souvent injuste. Il regrette presque toujours ses foucades, ses impulsions, voire sa brutalité. En 1938, il glissera dans son missel une image du père de Foucault, au dos de laquelle il tracera ces mots « se commander à soi-même ». Beau programme, mais malgré le recours au Saint-Ermite de Tamanrasset, il ne le suivra guère. Mais sans ce mauvais caractère, Leclerc aurait-il été Leclerc, l'homme de la fantastique chevauchée africaine, le général qui a lancé ses blindés jusque dans Paris occupé, l'officier qui libérera Strasbourg, parce qu'un jour de 1941, après avoir pris la place italienne de Koufra, en compagnie d'une poignée de soldats dépenaillés et mal armés, cet homme avait solennellement juré de ne déposer les armes que lorsque les couleurs françaises flotteraient sur la cathédrale de Strasbourg. me soupçonne. Qui connaît la couleur de mes ambitions, de mes peurs, mes secrets intenses, je les rêve en silence. Chacun fait ce qu'il veut en fermant les yeux. Dans ma tête, j'invente des histoires. Secrets intenses, je les rêve en silence. Chacun fait ce qu'il veut en fermant les yeux. Dans ma tête, là où je me débat, éternel duel entre il ou elle. Parfois je me dévoue, parfois je tue. Assis sur une statue, ou bien je te baisse devant un inconnu. Tu n'imagines pas tout ce que je peux faire quand je pense à toi sur mon crâne en bois. Personne me soupçonne. Ambitions de mes peurs, mes secrets intenses, je les rêve en silence. Chacun fait ce qu'il veut en fermant les yeux. France Inter, Patrick Penaud, rendez-vous avec X. Vous commencez à me connaître maintenant, je ne suis pas de ceux qui voient des complots partout. Mais pourtant, hein. Je me borne lorsqu'il faut vous dévoiler le tout des cartes, c'est tout. Ouais, mais donc à dénoncer les manipulations, les machinations que nous autres, simples citoyens, ignorons. Oui, c'est juste, mais enfin je le fais avec mesure. Et puis par exemple dans le cas de l'accident d'avion du général Ayret, ou encore dans celui plus récent du Boeing Del Al, je n'ai pas accrédité la thèse de l'attentat criminel. C'est vrai ça, hein. Oui. Alors, Leclerc. J'ai eu connaissance de quelques informations qui permettent de nourrir des doutes. Des doutes, mais pas de preuves. Pas de preuves, non. Enfin, des éléments troublants, très troublants. Mais voyons d'abord les circonstances de l'accident. De l'accident ou de l'attentat, si je... Oui, oui. Oui. Bon. En 1947, Leclerc est alors inspecteur des forces armées en Afrique du Nord. On aurait pu penser que le général le plus glorieux de l'armée française, hein, aurait occupé des fonctions plus... prestigieuse. C'est vrai, mais on en parlera plus loin. Leclerc a refusé le haut commissariat en Indochine. Puis vous savez bien, la popularité n'est pas forcément un gage de promotion. Vous voulez dire que d'autres généraux étaient jaloux de lui ? Ça, c'est certain. Alors, en attendant une autre affectation, Leclerc a accepté avec un certain plaisir cette fonction en Afrique du Nord. Une région qu'il affectionne tout particulièrement et qu'il connaît bien, surtout le Fezzan. Fezzan, où il a combattu victorieusement les troupes fascistes de Mussolini. Oui, c'est toute une région qu'il a conquise et qui lui tient à cœur. Une région que les troupes françaises occupent toujours, à l'époque, enfin je veux dire. Oui, la France entretient des garnisons au Fezzan jusqu'en 1955, date à laquelle elle signera un traité avec la Libye. Le Fezzan est donc maintenant une province libyenne. Tout à fait. Pour accomplir sa mission, Leclerc fait une fois par mois une inspection en Afrique du Nord. Et à chacune de ses visites, il se dépense sans compter et fait manœuvrer les troupes. Le général était un chef exigeant et pointilleux. Et d'abord avec lui-même, paraît-il. Hein. C'est exact, oui. Fin novembre 1947, après avoir commémoré la libération de Strasbourg, il se trouve donc une fois de plus en Afrique du Nord. Le 27 novembre, il assiste à des manœuvres à Oran. Le lendemain, le 28, il a prévu de se rendre dans le Sahara, à Colombéchard exactement. Pour une autre inspection ? Oui, ce jour-là, son avion décolle donc d'Oran en direction du Sahara. Mais quel genre d'avion, en fait ? Un Mitchell B-25. C'est un bombardier bimoteur américain qui a été transformé en avion de transport et qui a été mis à la disposition du général. Leclerc l'a d'ailleurs baptisé Taï. C'est le nom de son château familial. C'est aussi le nom qu'il avait donné à son char pendant la guerre. Mmh. Ce Mitchell, là, c'est un bon avion ? Un avion sûr, oui, et piloté par un équipage très expérimenté. Et à part l'équipage, il y avait d'autres passagers ? Bien évidemment, le général était accompagné de son état-major. Au total, il devait être 12 passagers dans le Taï. Et pourtant, vous le savez peut-être, on retrouvera 13 cadavres dans les débris de l'avion. C'est un passager clandestin, non ? Ça me paraît difficilement concevable. Où aurait-il pu se cacher ? Ça veut dire que le général et les autres passagers connaissaient son existence. Certainement. Mais peut-être ne savait-il pas qui il était en réalité. Il faut être plus précis, là. Que voulez-vous dire ? L'homme aurait pu monter à bord en usant d'une fausse identité. Mais je vous le promets, nous reviendrons sur ce mystère. Bon, d'accord. Alors, autre question qu'on pose toujours dans ce cas-là, hein, la météo. La question est très controversée. C'est-à-dire ? Certains ont prétendu que le temps était détestable et que l'avion n'aurait pas dû prendre l'air. Mais c'est Leclerc qui aurait obligé le pilote à décoller. Et c'est vrai, ça ? Non. Non, Leclerc savait prendre des risques. Il en a pris beaucoup dans sa vie, mais il n'aurait pas obligé le pilote à prendre l'air s'il avait su que le vol était dangereux. Non. Pas pour sauver sa propre vie, mais pour épargner la vie de ceux qui l'accompagnaient. Je vous l'ai dit, le pilote était un aviateur expérimenté, donc il a pris l'air en toute connaissance de cause. Oui, mais ce temps détestable, comme vous l'avez dit vous-même. Le pilote, avant de quitter Oran, a appelé Colombéchard. Et là-bas, le responsable météo lui a dit qu'il y avait une menace de vent de sable. Mais la visibilité était suffisante. Et la tour de contrôle d'Oran a donc donné son feu vert au décollage du Mitchell à 10h15. J'ajoute que ce matin-là, d'autres avions ont pris l'air en direction du sud et qu'ils sont tous arrivés à destination. Mmh. Il y a combien d'heures de vol entre Oran et Colombéchard ? Avec le Mitchell, il fallait compter une petite heure et demie. Mmh. Et l'on sait à peu près comment le vol s'est passé ? Un peu après 11h, l'équipage a appelé la tour de contrôle de Colombéchard. Et le pilote a alors déclaré qu'il pensait atteindre le terrain une dizaine de minutes plus tard. C'est donc qu'à bord, tout se passait bien. On peut le penser. Mais c'est vrai, il y avait quand même cette tempête de sable qui devait rendre la navigation difficile. Aussi, c'est du moins ce qu'on en a pensé ensuite, en recoupant plusieurs témoignages, le pilote a dû se rapprocher du sol pour naviguer à vue. Il n'est pas facile de se repérer au-dessus du désert. Ben, vous avez raison. Enfin, le pilote disposait d'un repère possible. La voie de chemin de fer Méditerranée-Niger. Une voie ferrée qui, justement, passait par Colombéchard. Mais est-ce qu'on sait si le pilote a réussi à localiser cette voie ferrée ? Oui, parce qu'un témoin a vu passer l'avion au-dessus d'une petite gare à quelques dizaines de kilomètres de Béchard. Et là, il était à quelle hauteur ? Très bas. Donc il volait en rase-motte en suivant la voie ferrée ? C'est probable, et quelques kilomètres plus loin, ça a été le drame. I dream. Dans cette affaire, la question de la météo est en effet primordiale. Et très vite, avant même qu'une commission d'experts se soit rendue sur place, on a affirmé que l'avion du général Leclerc avait été pris dans une tempête de sable. C'était la seule explication possible. Pourtant, le journaliste Loge Boissonnade a relevé un témoignage qui ne colle pas tout à fait avec cette version. Le père Louis Brenner, supérieur des Pères Blancs à Colombéchard, se trouvait sur la place des Chameaux, là où on attendait Leclerc qui devait passer les troupes en revue. Voici ce qu'il note. « Le temps est gris et maussade, température plutôt fraîche, ciel bouché, vent de sable. Dommage pour la réception qu'on prépare à Leclerc, mais personne ne songe à s'inquiéter particulièrement à cause de ces conditions atmosphériques défavorables. Tant d'autres vols se sont faits pendant la guerre dans des conditions plus difficiles. Et l'appareil mis à la disposition de Leclerc n'est tout de même pas un rossignol et son pilote n'en est pas à son vol d'essai. » À noter que le père Brenner ne parle pas de tempête de sable, mais seulement de vent de sable. Son témoignage a été publié dans le journal des anciens de la 2e brigade française libre en 1967. Retrouvons M. X au moment où il évoque les circonstances de la catastrophe aérienne qui a coûté la vie au général Leclerc. Ce qu'on sait, c'est qu'on a retrouvé l'avion, ce qu'il en restait, de part et d'autre de la voie ferrée du Méditerranée-Niger. Et tout de suite, dès que les premières équipes sont arrivées sur place, il est apparu vraisemblable que l'avion avait percuté le remblai au cours de son vol en azimut. Il était si haut que ça, ce remblai ? Ben, il dominait le désert de 3 ou 4 mètres, à peu près. Enfin, c'était quand même pas un obstacle très important. Non, non. Et la question qui se pose est celle-ci. L'avion a-t-il réellement percuté le remblai ? Ou s'est-il écrasé sur le remblai ? C'est-à-dire au-dessus, vous voulez dire ? Oui, ça change tout. Dans le premier cas, il s'agit d'une erreur de pilotage due sans doute au mauvais temps. Et dans le second cas, l'avion aurait connu une difficulté en vol et aurait perdu brusquement de l'altitude jusqu'au moment où il se serait écrasé sur la voie ferrée. Mais quand vous parlez de difficulté en vol, vous laissez entendre qu'il y aurait pu avoir un attentat ? Par exemple, oui. Je ne suis pas spécialiste, mais j'imagine qu'en étudiant le lieu de l'impact, on pouvait choisir entre l'une et l'autre solution. En principe, oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'enquête, je vous en parlerai dans un moment, a été conduite de façon très curieuse. En tout cas, c'est vrai. Un officier qui a examiné les lieux a conclu que l'avion de Leclerc avait percuté le remblai alors qu'il allait croiser à angle droit la voie ferrée. Cet officier-là, comment est-il arrivé à cette conclusion ? Bien, il a estimé que si l'avion était tombé à la verticale, il aurait provoqué une importante excavation dans le remblai. Or, il a constaté que ce remblai n'était entamé que sur 50 cm d'épaisseur. Je ne suis pas spécialiste, encore une fois, mais ça me paraît assez convaincant. Oui, mais ces constatations sont battues en brèche par deux témoignages. Parce que des hommes ont assisté au crash. Parfaitement. Un cheminot, d'abord. Il a affirmé avoir vu l'avion tomber à la verticale. Et le deuxième Un indigène. Il se trouvait non loin de la voie ferrée. Et il a raconté qu'il a vu l'avion approcher à faible altitude. Et soudain, l'appareil a été entouré d'une grande lueur blanche et aveuglante. Et s'est aussitôt abattu. Ouais. Oui, mais j'ai lu, moi, ou entendu, je ne sais plus, que souvent les témoins oculaires d'accidents aériens avaient l'impression de voir l'avion exploser en vol parce qu'il y avait une confusion avec la boule de feu dégagée par l'explosion au sol. C'est tout à fait juste, mais dans ce cas précis, il y a quand même deux témoignages. Alors si vous le voulez bien, avant de revenir au mystère de cette étrange enquête, je vous propose de passer en revue les mobiles possibles de ceux qui auraient pu être tentés de se débarrasser du général Leclerc. Ouais, c'est ça, cherchons à qui profite le crime. Hein. Enfin, s'il y a eu crime, bien sûr. Naturellement. D'abord, il faut tenir compte de la personnalité exceptionnelle du général Leclerc. On parle beaucoup en ce moment de l'homme qui a dit non. Ouais, le général de Gaulle. Évidemment. Eh bien, Leclerc, lui aussi, a dit non, et tout de suite. C'était en juin 40, non ? Oui. Dès que le capitaine Leclerc se rend compte que l'armée française est vaincue et que le nouveau pouvoir de Pétain va conclure un armistice déshonorant, il décide de poursuivre le combat. Et pourtant, si je puis m'exprimer ainsi, celui qui s'appelle encore Philippe de Hauteclocq vient de loin. C'est-à-dire ? Par tradition familiale, c'était un royaliste, un lecteur assidu de Maurras. Maurras qui, lui, va choisir Pétain. Hein. Et la Révolution nationale. Et dès cet instant, Leclerc rompt avec ses anciennes convictions. Il devient républicain. Ça, je n'en sais rien. Enfin, au fond, ça n'a pas une grande importance. Ce qui compte, c'est que ce jeune capitaine choisit clairement son camp, celui de la France libre. Et il est le seul officier d'actif breveté de l'armée de terre à quitter le territoire français pour gagner l'Angleterre. Et se mettre au service de la France combattante. Exactement. La suite, vous la connaissez, c'est son extraordinaire épopée africaine où il joue un rôle essentiel dans le ralliement des colonies. Puis c'est le faisan et son héroïque participation au combat contre les forces de l'Axe. Le capitaine de 1940 devient très vite général. Faites une parenthèse, ce nom, Leclerc. En 1940, lorsque Philippe de Hauteclocque rejoint De Gaulle, il choisit de prendre un pseudonyme pour éviter les ennuis à sa famille demeurée en France. Alors pourquoi Leclerc ? Oh, simplement parce que c'est un patronyme très répandu en Picardie, sa région d'origine. Bien, bah, je crois que nous avons compris que Leclerc n'était pas un personnage ordinaire. Et il le prouve encore avant même que la guerre ne se termine en Indochine. C'est lui qui reçoit la reddition des Japonais qui occupaient notre colonie. Et c'est lui encore qui va comprendre très vite que là-bas, face aux nationalistes communistes de Ho Chi Minh, il faut choisir la négociation et non pas l'affrontement. Et lui, le monarchiste. Oui, aussi étonnant que ça l'apparaisse, Leclerc est réaliste, lucide. L'indépendance ne lui fait pas peur. Et surtout, il prévoit que si la France s'engage militairement, une guerre sans fin s'en suivra. L'avenir, malheureusement, lui donnera raison, puisque la guerre, d'abord menée par les Français, puis par les Américains, ne se terminera qu'en 1975. Mais est-ce que cet intermède indochinois a un rapport avec notre affaire ? D'une certaine façon, oui. En Indochine, Leclerc s'est opposé aux ultras, comme on dira plus tard. C'est-à-dire les colonialistes. Oui, hein, ouais, et ces gens-là, dans un monde où les mouvements indépendantistes ne vont cesser de prendre de l'importance, peuvent penser que Leclerc est un ennemi, un libéral partisan de l'émancipation des peuples colonisés. Or, justement, Leclerc vient d'être nommé inspecteur de nos forces en Afrique du Nord, où commencent à sourdre les aspirations nationalistes. Mmh. Alors, ces colonialistes soupçonnent donc Leclerc de vouloir brader l'Afrique du Nord ? Enfin, c'est une idée qui a pu germer dans certains esprits. Mais je n'ai aucune preuve d'une participation de ces gens-là à un éventuel attentat. Bon. Qui d'autre pouvait avoir intérêt à vouloir supprimer Leclerc ? Leclerc, je vous l'ai dit, était un personnage extraordinairement populaire. Peut-être même le Français le plus populaire de l'après-guerre. Partout où il allait, il était applaudi, plus applaudi même que le général de Gaulle. Et ça suscitait forcément quelques sentiments ombrageux. Chez de Gaulle ? Non, pas chez lui. Même si parfois les relations entre les deux hommes ont été tendues. Mais de Gaulle savait ce qu'il devait à Leclerc. Par contre, dans certains milieux qui ne rêvaient que du retour du général au pouvoir, la formidable popularité de Leclerc pouvait inquiéter. Leclerc, rival de Gaulle, c'est ça ? Oui. Et nous en avons souvent parlé. Ces gaullistes ultra avaient noyauté les services secrets. Alors vous devez bien placé pour me dire si ces services ont été mêlés ou non à cette affaire. Eh bien, je vous rassure, il n'en a rien été. Ouais, ça me semblait quand même un peu gros. Peut-être, mais enfin, la rumeur a vraiment couru à l'époque. Ouais, alors, autre chose de plus sérieux. Oui. 1947 est une année terrible pour notre pays. On complote, on s'agite un peu partout. Et puis, il y a les grèves. Et la menace communiste. Les ministres du parti ont été chassés, comme vous le savez. Et à Moscou, on est reparti dans une période de glaciation extrêmement dure. Ouais, front contre front, hein, comme avant-guerre. Oui, oui. Le gouvernement dirigé alors par Robert Schuman, le Bosch, comme l'appellent de façon ignominieuse les communistes, est décidé à ne pas céder à la pression de la rue. Et puis, si je me souviens bien, c'est Jules Moc qui est alors ministre de l'Intérieur. Oui, c'est un ministre à poigne, un ministre prêt à en découdre avec les grévistes et le Parti communiste. Mmh. Est-ce qu'il y a pour autant unanimité au gouvernement ? Non. Non, hein. Enfin, peu importe, ce sont les plus ferme qui l'emporte et qui envisage même le rappel sous les drapeaux du contingent en 1946. Pour mater l'agitation. Exactement. Il règne donc un climat pré-révolutionnaire. Et parmi les ministres les plus décidés à employer la force, certains envisagent donc le recours à l'armée. Une armée qui serait placée sous l'autorité du général Leclerc, son chef le plus prestigieux. Une armée qui devrait rétablir l'ordre. Oui, mais pour cela, il fallait d'abord l'accord de Leclerc. Bien entendu, ouais. Je suis persuadé qu'il a été informé du rôle qu'on voulait lui faire jouer. Ce que je ne connais pas, par contre, c'est sa réaction. Mais la rumeur a couru, je puis vous l'assurer. Et les communistes en ont été forcément informés. À partir de ce moment-là, ils pouvaient légitimement considérer que Leclerc représentait un obstacle pour eux. Thank you. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Le général Leclerc a-t-il été réellement pressenti pour mater les grèves de 1947 ? J'ai trouvé deux points de vue contradictoires. Alain Decaux, d'abord, dans un livre intitulé « Histoires extraordinaires », écrit ceci. Leclerc pense qu'un pays sans continuité politique restera un pays faible. Le départ du général de Gaulle, sa retraite à Colombelles et Deux-Églises, l'ont confirmé dans son amertume. La 4e République qui vient de naître ne lui dit rien qui vaille. Quoi qu'il ne prononce aucun discours et ne s'exprime qu'avec réserve et en privé, sa réprobation est bientôt connue. Dans l'opinion, Leclerc apparaît comme un recours. Il semble même, en 1947, après le départ des communistes du gouvernement et la menace que l'appareil du PC, soutenu par la toute-puissante CGT, fait peser sur l'État, que Paul Ramadier, président du Conseil, ait proposé à Leclerc un rôle mal défini qui aurait fait de lui le protecteur de la République. Cette République-là, Leclerc ne l'aime pas plus, soyons lucides, qu'il n'avait aimé les autres. Il a refusé la proposition. Il est un soldat, il veut le rester. Autre son de cloche, celui de l'historienne de la 4e République, Georgette Elgey. Le général Leclerc hésite. À la veille de partir pour une mission d'inspection en Afrique du Nord, les grèves l'indignent. Il incrimine la faiblesse de l'État. Et selon certains de ses intimes, il écrit au général de Gaulle, il est prêt, si de Gaulle le désire, à désobéir aux instructions de son ministre, à rester en métropole pour mettre fin à cette pagaille. Ainsi, le général de Gaulle pourra revenir à la tête des affaires publiques. Le président du RPF ne retient pas cette suggestion. À quoi bon un nouveau 18 Brumaire ? La 4e République est condamnée à disparaître sans que soit nécessaire la moindre intervention. D'après Georgette Elgey, c'est donc de Gaulle et lui seul qui auraient dissuadé Leclerc de se lancer dans l'aventure. Ce que vous avez dit est extrêmement grave. Les communistes, prétendez-vous, auraient pu envisager l'élimination de Leclerc ? Je n'ai pas dit cela. J'ai simplement indiqué que Leclerc pouvait apparaître comme un adversaire s'il était tenté de prendre la tête des armées pour réprimer les grèves. Ouais, je vous en prie, je ne veux pas sur les mots. Là. C'est une accusation que vous avez portée. La maintenez-vous ? Je suis désolé, mais je n'accuse pas. Je procède à une analyse de la situation en essayant de balayer le champ de tous ceux qui avaient intérêt à voir disparaître Leclerc. C'est tout à fait différent. Ouais, c'était quand même une assignation. Admettons. Bon. Alors, dans le cas précis des communistes, je vous le dis tout de suite, ils ne sont pour rien dans la mort du général. D'ailleurs, fin novembre 1947, le mouvement social commence à refluer et bientôt Thorez revient de Moscou avec l'ordre de Staline. C'est raté, il faut en finir. Quant à Leclerc, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il a été soulagé de quitter le territoire métropolitain. Pour ne pas avoir à jouer les gendarmes ? Naturellement. Leclerc n'était pas un général de Pronunciamento. Alors, si vous en restez à la version de l'attentat, il vous faut trouver un autre coupable possible. J'y viens. L'an dernier, je crois, je vous avais entretenu d'un homme assez extraordinaire, Conrad Killian. Je me souviens bien, oui, Killian, l'homme qui a découvert le pétrole saharien et qui est sans doute mort assassiné, lui. À cause de sa découverte. Très tôt, Killian, géologue et explorateur, avait eu l'intuition que sous le Sahara dormaient de formidables réserves de pétrole. Mais personne ne l'avait écouté. Ce n'est pas tout à fait exact. Killian avait eu au moins l'oreille de deux hommes. Le premier était le général Testard, qui, à la fin de la guerre, était chef de l'état-major de la défense nationale en Afrique. Mais cet officier est mort dans un accident d'avion. Ah, lui aussi ? Lui aussi, oui. Et bizarre, hein ? Enfin bon. Et le deuxième, alors ? C'était Leclerc. Encore bizarre, non ? Mais oui, vous avez raison. Mais pour quelle raison Leclerc avait-il écouté Killian ? L'explorateur avait su le convaincre que le Sahara et le Fezzan, cette région que Leclerc venait d'arracher aux Italiens, recelait des réserves de pétrole. Et le général, qui était avant tout un patriote, était résolu à faire en sorte que la France garde main mise sur le faisan, parce qu'il devinait que le contrôle des ressources énergétiques jouerait un rôle de plus en plus important dans les années à venir. Donc selon vous, Leclerc s'était en quelque sorte engagé du côté de Killian. Oui, le général avait épousé la cause de cet homme qui, depuis des années, se battait inutilement pour que la France s'intéresse enfin au pétrole du Sahara. Mais concrètement, qu'a fait le général Leclerc pour s'en protéger ? Il est intervenu à plusieurs reprises auprès du gouvernement. Et il ne fait pas de doute que s'il avait vécu, il aurait poursuivi avec détermination son action. J'ajoute, mais je n'en ai pas la preuve, que Leclerc, lorsqu'il a accepté ce poste d'inspecteur des forces armées en Afrique du Nord, pensait aussi certainement au pétrole et aux découvertes de Killian. Mon excellent confrère Eloge Boissonnade a consacré un livre à l'aventure de Killian, Conrad Killian, explorateur souverain. paru aux éditions France Empire. Il fait état d'un témoignage important, celui du colonel Sarrazac, chargé par le général Leclerc d'administrer le Fezzan. En voici quelques extraits. « J'ai toujours pensé que si le général Leclerc m'avait envoyé au Fezzan, c'était pour garder le pays qu'il avait conquis. Je crois avoir été l'avocat déterminé et persuasif du maintien de la France au Fezzan. Mais il est évident que nous rencontrions de nombreuses oppositions. Il y avait d'abord l'indifférence, l'inertie, le système, puis l'incompréhension, la méconnaissance des problèmes d'Afrique du Nord. Enfin, le scepticisme propre à ceux qui s'attaquent à des tâches qui les dépassent. Parmi les opposants, au premier rang, nos alliés anglais, car ils savaient, eux aussi, que le sous-sol libyen renfermait du pétrole. Les Anglais. Nous en parlons tout de suite avec M. X. Quand vous m'avez parlé de Conrad Killian, vous m'avez laissé entendre que c'était les trusts pétroliers anglo-saxons qui avaient commandité son assassinat. C'est évident, des trusts qui voulaient s'emparer des secrets de ses recherches géologiques. Ils avaient d'abord essayé de l'acheter, et devant son refus, ils l'ont liquidé. Je vous rappelle que tous les papiers de Killian ont été volés à l'occasion de sa disparition. Mais alors Leclerc ? Killian tout seul ne pesait pas grand-chose, malheureusement. Parce qu'on se refusait à l'écouter dans les sphères gouvernementales. Bien sûr, mais Killian plus Leclerc, c'était autrement plus redoutable. Et quelques jours avant sa mort, le général avait donné l'ordre qu'un bâtiment de la marine prenne position sur la côte libyenne, là où un port pourrait ultérieurement être aménagé. Oui, en vue d'y acheminer les richesses du Fezzan. Évidemment. Alors je suis persuadé que le libérateur de Strasbourg a été éliminé parce qu'il représentait un danger immédiat pour ses puissants intérêts pétroliers anglo-saxons qui voulaient exploiter le sous-sol saharien. D'accord, oui, mais pouvez-vous m'apporter une seule preuve ? Écoutez, je vous propose de revenir sur l'enquête qui a suivi la mort de Leclerc. Il y a d'abord cette affaire du 13e passager, hein, le passager clandestin. Oui, curieusement, personne n'a jamais réclamé le corps de cet inconnu. Donc il n'a pas été identifié ? Non. Et si ça avait été un militaire français, on aurait forcément retrouvé sa trace quelque part. Mais il y a pire. Son cadavre a été escamoté dans des conditions très étranges. Escamoté, qu'est-ce que vous voulez dire ? D'abord, son cercueil a été mis à part. Et alors que les dépouilles de Leclerc et de ses compagnons prenaient la route d'Alger, puis de la métropole, celle de l'inconnu est restée à Colombéchard. Et là, le conducteur d'une mystérieuse camionnette en a pris livraison. Une camionnette qui venait de Libye. La Libye, je comprends pas. La Libye qui était alors sous contrôle anglais. Je veux dire que cette camionnette aurait pu être anglaise. Pourquoi pas ? Alors l'inconnu aussi aurait été anglais ? C'est une supposition très plausible. Et ce serait l'auteur de l'attentat ? C'est très possible. Et je veux bien, mais attendez, cet homme, quel qu'il soit, est mort dans la catastrophe. Hein. Vous pensez qu'il aurait participé à une mission suicide ? Ça me semble pas très réaliste. Cet inconnu ne savait peut-être pas que les explosifs dont il était porteur étaient programmés pour sauter au cours du vol. Mmh. On lui avait peut-être dit qu'il devait exploser au sol plus tard, lorsqu'il déposerait sa bombe près du général. Par exemple, quand Leclerc passerait les troupes en vue. Ouais, ça fait quand même beaucoup de suppositions. Hein. C'est vrai, je suis obligé de le reconnaître. Mais il me faut aussi dire que l'escamotage du cercueil de l'inconnu de l'avion de Leclerc n'a pas été le seul. Quand on a escamoté un autre cercueil ? Pas un cercueil, mais un rapport d'enquête. L'enquête sur le crash. Oui, le vrai rapport a disparu et a été remplacé par un autre. Alors, qu'y avait-il dans le premier rapport ? D'après ce que j'ai pu apprendre, les enquêteurs signalaient qu'on avait trouvé des traces d'explosifs sur les débris de l'avion. Bon, admettons encore une fois, mais pourquoi les autorités françaises de l'époque auraient dissimulé cet élément ? Parce qu'elles savaient que les responsables de l'attentat étaient d'origine anglo-saxonne et que les services britanniques étaient peut-être impliqués. Vous imaginez, 2 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale et en pleine guerre froide, le gouvernement français accusait nos alliés de complicité dans un attentat qui a coûté la vie à notre général le plus glorieux. Non, c'était impossible. La vérité devait être forcément tue. À ma connaissance, seul le journaliste Eulogue Boissonnade, dont j'ai déjà cité le livre consacré à Conrad Killian, a évoqué la thèse développée par M. X. Et lui aussi fait état d'un rapport d'enquête qui aurait été remplacé par un rapport bidon. Boissonnade affirme même avoir rencontré un officier de l'état-major général qui a eu la possibilité de prendre connaissance, par hasard, du vrai rapport. Voici ce qu'écrit Boissonnade qui respecte l'anonymat de son interlocuteur. Après en avoir pris connaissance, il le remit en place, se promettant d'en tirer une photocopie. Lorsque, 48 heures plus tard, il revint chercher le dossier, celui-ci avait disparu. Il s'en ouvrit avec franchise à son chef hiérarchique. Ce dernier, le fixant droit dans les yeux, lui déclara sèchement : dites-vous bien que ce dossier n'a jamais existé ici et que vous ne l'avez jamais vu, compris ? Cet officier m'a précisé que le rapport, non seulement conclu à l'attentat, mais les enquêteurs de la sécurité militaire, de la commission d'enquête et du ministère de l'Intérieur mentionnaient qu'ils avaient relevé des traces d'explosion flagrantes déterminant l'endroit de la carlingue où elle s'était produite et relevé des particules de napalm. On y faisait également état du 13e passager. Si vous avez des commentaires ou mieux encore des informations inédites sur ce curieux dossier, vous pouvez m'écrire à la maison de Radio France ou bien m'envoyer un email sur le site de France Inter, www.franceinter.com.